Un podcast France Culture. La préhistoire du futur de Benjamin Habitant, saison 3. Maintenant en podcast natif. Épisode 5. La grande loterie what the fuck de la vie. Il y a bien longtemps, dans les années fin 2010, début 2020, on voulut renouer avec le capitalisme populaire en privatisant la Française des Jeux. Ah ben voilà, c'était pas compliqué. Allez, les aéroports de Paris. Les aéroports de Paris. Cette opération fut un succès. Un an après son introduction en bourse, l'action avait bondi de 75%. Pour atteindre son plus haut niveau historique. 34 euros. Tu te rends compte, chérie, j'ai payé cette action seulement 20 euros l'année dernière. Ah oui ? 14 euros. C'est comme si j'avais gagné 7 fois 2 euros au blackjack. Ah oui ? Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh là là, mais je sais pas. Tout est possible. Un club des actionnaires fut bientôt créé, proposant des initiations à la spéculation boursière. Donc là, par exemple, quand vous voyez la petite flèche rouge qui s'allume, ça veut dire qu'il faut vendre. Ah oui, vite alors. Oui, mais pas trop. Stop. Alors là, comme la flèche rouge est très grosse, il faut acheter. Ah bon, ok. Et maintenant, oh, regardez la flèche verte. Ah, je vends. Non, laissez-la grossir encore un peu. Vous voyez, c'est toute la subtilité. Allez-y, vendez. Le succès de ces modules d'initiation confirma une intuition qu'on avait. Les gens aimaient bien s'en remettre au hasard pour tout ce qui concernait leur accès au bonheur. Que puis-je pour vous, mon ami ? Bonjour, monsieur Latruffe. On avait évoqué une augmentation, vous vous souvenez ? Bien sûr, voyons voir. Vous préférez 100 euros de salaire en plus, 150 en tickets restaurant et notes de frais, ou le pack surprise ? Je vais prendre le pack surprise, du coup. Eh bien, vous avez gagné un an de car wash. Mais j'ai pas de voiture. Ah bah, c'est le jeu. C'est vrai. Plusieurs études confirmèrent cette hypothèse. Les gens avaient besoin d'aléatoire dans leur vie. Sushi ou pizza ? Comme tu veux toi. Non, comme tu veux toi. Non, comme tu veux toi. Non, comme tu veux toi. Dans la foulée, l'humanité dut faire face à une pandémie. Un virus très contagieux qui affectait les voies respiratoires. On apprit qu'on allait quitter le monde d'avant. Mais personne ne savait à quoi ressemblerait le monde d'après. À part ceux qui avaient suivi les cours d'initiation à la spéculation boursière. Cela était catégorique. Il va y avoir une récession terrible. On n'aura même plus de quoi s'acheter un sandwich et il faudra se défendre avec des arcs et des flèches. Seuls les lingots d'or auront encore de la valeur, sauf qu'on n'arrivera pas à les conserver parce que c'est galère à transporter et qu'il faudra sans cesse fuir des meutes de loups et des bandes de pierres cannibales. Et du coup, il n'y aura aucune solution et on va mourir. Eh ben, c'était bien la peine de refaire la cuisine. Hélas, les choses se passèrent exactement comme ces gens l'avaient prédit. Bonjour, il vous reste quoi comme sandwich ? Thon crudité, jambon crudité ou thon crudité avec pain aux céréales ? Alors, thon crudité normal. En formule avec boisson dessert ? C'est combien ? 675 euros. Non, alors juste le sandwich. Avec ceci ? C'est tout, merci. N'hésitez pas à le manger vite, avant qu'il fasse nuit. En vous remerciant ! Mais tout ça, c'était dans un univers parallèle. Parce que dans le nôtre... En fait, ça allait. Il n'y avait pas de meute de loup ni de cannibale. Et les sandwichs au thon coûtaient toujours le prix normal de 5 balles. Bref, le monde d'après ressemblait beaucoup au monde d'avant. Sauf qu'il fallait porter un masque. Mais après quelques années, on s'y était complètement habitué. Quelle nostalgie dans cette musique. C'est sûr, chérie. Chute. Tout ça n'était qu'un désagrément passager. On ne tarda pas à trouver un vaccin, puis des seringues. Puis des aiguilles pour les seringues. Puis il fallut refabriquer un vaccin parce qu'entre-temps, on avait oublié de mettre le premier au frigo. Puis un troisième vaccin parce qu'un chien avait mangé le deuxième pendant qu'on ne regardait pas. Et à peine une quinzaine d'années plus tard, on put enlever nos masques et la vie continua normalement. Nolan, aujourd'hui, tu vas voir le vivace de ta mère pour la première fois. Oui, ben le fait, hein. Bon, ben, c'est juste pour te prévenir qu'elle a un bec de lièvre et une mâchoire un peu forte. Oui, ben moi aussi. Ah, tu vois, je savais même pas. Le déconfinement facial nous fit prendre conscience des changements qui s'étaient opérés. Non pas dans le monde, mais en nous. On était devenus globalement apathiques, mornes et indifférents à toute chose. Ça va, Jean-Pierre ? Écoute, on va pas se plaindre. Tant mieux. Bon, faut que je te dise, pendant que t'étais dans le coma, les huissiers ont saisi la poissonnerie, mais de toute façon, la plupart des poissons ont disparu. La Troisième Guerre mondiale a éclaté, je te quitte. Et rien à voir, mais les médecins parlent de t'amputer des deux jambes. Bah, c'est pas grave, de toute façon, à terme, l'univers va se contracter en un point unique. Ouais, je me doutais que tu le prendrais comme ça. Bon, Jean-Pierre, j'y vais ? C'est sympa d'être passé, en tout cas. Ayant compris cela, on se rappela la privatisation de la Française des Jeux quand on avait découvert à quel point on aimait le hasard. On y vit une solution pour redonner un peu de saveur à l'existence. Qui s'était mise à ressembler à une assiette de pâtes de la cantine sans la sauce. Et c'est ainsi qu'on commença d'introduire de l'aléatoire dans toutes les prises de décision. Bienvenue au Crédit Agricole. Retrait sans ticket. 40 euros. Voulez-vous tenter votre chance pour le super jackpot ? Parfois on gagnait et d'autres fois on perdait. C'est une maladie auto-immune, il n'y a rien à faire. Voici une ordonnance pour du Doliprane. Merci docteur, je vous dois combien ? Faites tourner la roue s'il vous plaît. 675 euros. Vous prenez la carte ? Oui, oui. C'était sympa. Ça rajoutait du piquant à l'existence. Le feu est au rouge, hein, tu as vu ? Oui, oui. Merde, encore perdu. Deux fois cette semaine ! On découvrit que plus c'était aléatoire et plus ça mettait du piquant. Même quand il ne s'agissait pas de faire des choix à proprement parler. Et c'est plutôt une toux sèche, une toux grasse. Attendez, je vais vous dire. Plutôt grasse. Faites tourner la roue, s'il vous plaît. Ah, chouette. Pneumonie. Ah tiens, ça tombe pas souvent, ça. C'est grave, docteur ? On finit par s'en remettre au hasard pour strictement tout. Désirez-vous connaître le sexe de votre enfant ? Ah oui, oui. Oui, on veut bien. Faites tourner la roue, s'il vous plaît. Ah, yes. Et la vie se mit à ressembler de plus en plus à une histoire racontée par des singes bourrés qui taperaient à la machine. Ma chérie, est-ce qu'on peut compter sur votre présence à Jean-Pierre et à toi pour les fêtes ? Hélas, maman, pas cette année. Je serai à Arcachon dans le cadre d'un programme de protection des témoins suite à une tentative de coup d'État orchestrée par des pieuvres mutantes. Et Jean-Pierre a été sélectionné par Elon Musk pour aller vivre sur Mars. Oh, quel dommage. Pour une fois que ton frère avait les enfants. Mais shoot au buzzer, hein, comme Curie. Le savoir est une arme. Fuck le furet. Tu fais un AVC, maman ? Bah non, ça m'aurait pu. Regarde. Ah oui. C'était du grand n'importe quoi. Mais on avait dit ça de tellement de choses par le passé. Qu'on manquait de mots et de concepts pour décrire ce qui nous arrivait à présent. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelque temps, ta mère s'exprime avec des punchlines de rap. Ben oui, j'ai vu ça. Ça va ? Tu tiens le coup ? Le rap de punchline des avec s'exprime Merta. Tant quelque depuis, mais remarquez, as-tu, si pas assez, ne je... Qui veut un sandwich de gnou ? Par la suite, ça n'a fait qu'empirer. Il paraissait urgent de couper le cordon. Allô, Jean-Pierre ? T'as posé la question à Elon Musk pour le regroupement familial ? Non mais il faut que tu lui demandes, hein. Alors c'est ce qu'on a fait. La Terre paraît moins what the fuck à 300 millions de kilomètres. L'ambiance n'est pas mauvaise, juste un peu confinée. De toute façon, il fait moins 63 degrés dehors, alors autant rester au chaud. Et continuer à simuler ce qui se passe dans les univers parallèles. Lâche le sandwich au con ! À boire l'apéro. Et à raconter des histoires. Il n'est pas 18h ? Non. Non, 15h30. Ah ok, c'est juste que comme il fait très sombre... C'est parce qu'on est plus loin du soleil. Ah oui, c'est vrai. C'était la Préhistoire du futur de Benjamin Habitant. Avec Elisabeth Mazev, Mario Bastelica, Juliette Alozen, Cyril Texier, Fleur Sully, Benoît Guibert, Adeline Chagnot, François Debreuil, Annabelle Croze, Samuel Roger, Laurence Maillot, Alain Fournager. Avec aussi Mathilde Orchide au chant et Valeria Kafelnikov à la harpe. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Bruitage Sophie Bissante. Prise de son, montage et mixage Éric Boisset et Pierre-Henri. Assistante à la réalisation, Clémence Boucher. Réalisation, Benjamin Habitant.